Naam, comme vous l'avez entendu, le 14e jour de Ramadan est presque fini. Et donc, la première moitié de ce mois s'est écoulée déjà. Comme Allah Azza wa Jalla dit, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Donc ce sont des jours déterminés qui passent rapidement, comme si on nous a annoncé l'arrivée de Ramadan et comme si on attendait l'arrivée de Ramadan que hier. Et voilà sa première moitié qui est finie. Et en un clin d'œil, vous serez informé de l'arrivée des 10 dernières nuits de Ramadan, dans lesquelles se trouve la meilleure nuit dans l'année, dont l'œuvre est meilleure que l'œuvre dans 1000 mois. Et ainsi les saisons méritoires passent rapidement. Et les opportunités du bien doivent se saisir. Et de par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est jamais trop tard pour le serviteur de se rattraper et de se ressaisir et de se réformer tant que l'âme est dans le corps. Et même de par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a créé l'être humain et qui sait comment sont la plupart des êtres humains, et que au début de chaque bien, la motivation est plus grande que vers sa fin. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala, le sage par excellence, a légiféré que la dernière partie de Ramadan est la meilleure de ce mois, est la plus bénie et la plus méritoire. Donc pour ceux qui ont eu des négligences et des manquements, comme nous tous, c'est le moment ou c'est jamais. Mais la bonne intention et met tout en œuvre afin de t'éloigner de tout ce qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces quelques jours qui restent de Ramadan. La perte de temps, les futilités, et tout ce qui ne te rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala.